Seigneur de toute gloire. Touchez-le, Gérard. Nous avons le nom puissant de Jésus. Et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Thank you.